Récit galicien, scène du ghetto, par Léopold Zahar-Mazar. Un jour de deuil pour Israël, un jour qui provoqua dans les rues juives de la capitale galicienne un tumulte inouï, ce fut celui où l'on publia l'édit de l'empereur Joseph II, ordonnant aux juifs d'adopter immédiatement des noms de famille. Ce fut comme par un incendie. Tous ces êtres craintifs qui nichaient amoncelés dans d'étroites maisons de bois, souvent plusieurs familles dans une chambre, séparées seulement par une mince cloison, venaient de se rassembler en un groupe épais, criant et gesticulant avec violence, selon l'usage juif. Lorsqu'à bout de plaintes et de protestations, on se fut décidé à se soumettre au décret de l'empereur, l'ambition commença à fermenter sous les caftans les plus modestes, et tous ces têtes serrées dans les streimiks, dans des diadèmes ou des foulards, commencèrent à travailler, à rêver les plus beaux noms, des noms bien agréables à l'oreille. À peu près à la même heure, dans la mairie, les employés, assis à leurs pupitres encadrés de baguettes noires, s'entretenaient de l'événement qui avait produit au milieu d'eux l'effet d'un aérolite. Tout à coup, l'épouse du capitaine Grobar entra dans le bureau, parée d'une robe à queue, d'une mantille et d'un bonnet de fine dentelle. La luxueuse petite femme était tout sourire. Ses yeux étincelaient d'une joie presque féroce. « J'ai une excellente idée, » commença-t-elle avec cette dignité qui en imposait, non seulement aux employés inférieurs, mais encore à tout le district. « La volonté de Sa Majesté sera accomplie, mais de façon à nous rapporter à tous un petit avantage. Le bon empereur ordonne aux Juifs d'adopter des noms de famille, c'est fort bien. Mais Sa Majesté n'a pas dit quel nom ils doivent prendre, et moi je ne vois pas que l'édit autorise les Juifs à se choisir eux-mêmes les noms qu'ils porteront. » Madame Grobara regarda triomphalement autour d'elle, comme Napoléon avant une bataille. « C'est juste, » repartit le capitaine en tirant une prise de sa tabatière d'or. « Parfaitement juste, mais je ne vois pas très bien à quoi tu vas en venir, cher ami. » Madame Grobara sourit de pitié. « Je connaîtrais bien peu nos Juifs, » dit-elle, « si j'ignorais qu'ils vont se donner un mal affreux à se chercher des noms mirobolants. »« Sûrement, » répondit son mari. « Aussi, pour l'amour de Dieu, je suis prêt à tout pour les contenter. »« Mais non pas gratis, » s'écria Madame Grobara. « Il s'agit maintenant de les leur faire payer en bel et bon or, leur nom mirobolant. »« Quelle lumineuse idée !» s'écria le commissaire Steinek en se frottant joyeusement les mains. « Madame est vraiment un génie d'invention. » Le chancelier Krumholz, un malheureux bossu, à moitié aveugle, se contenta de faire un compliment et de sourire avec extase sous son abat-jour de soie verte, tandis que le capitaine, lui, promenait des regards effarés autour de lui et s'écriait, après avoir humé une forte prise, « Étudie cela tranquillement ici, dans les bureaux impériaux, en présence de messieurs les employés. Tu oublies sans doute quel devoir l'honneur de notre charge. « Pas pour la pape !» répondit la petite femme avec résolution. « L'honneur de ta charge exige que l'édit de l'empereur soit accompli en tout point. » Et il exige aussi que messieurs les employés participent aussi bien que nous aux avantages que nous en pourrons tirer. « Eh bien, nous verrons, » ajouta le capitaine, continuant à priser avec acharnement, tandis que les employés s'inclinaient profondément devant madame son épouse. Et réellement, madame Grobar avait raison d'être fière de son idée. Tous les fonctionnaires l'adoptèrent immédiatement, enchantés d'entreprendre une si brillante affaire. Et cette affaire réussit à souhait. Les Juifs, fin matois, habitués à de tels marchés, comprirent tout de suite le procédé. Cela se fit sans le moindre pli. Qui payait brillamment recevait un nom brillant, qui payait bien recevait un beau nom, qui payait modestement un nom modeste, et celui qui ne donnait rien était doté d'un nom bien commun sur lequel souvent les fonctionnaires exerçaient leur malice. C'est alors que les Juifs riches reçurent des noms comme Weilchenfeld, tapis de violette, Goldreich, royaume de l'or, Silberstein, pierre d'argent, Löwenstamm, de la race des lions, Saphir, saphir, Rubinfeuer, éclat du rubis. Moyennant une somme modeste, on pouvait se procurer un nom tiré de la géographie ou de quelques circonstances de la vie. Un juif était-il originaire de Vienne, on le nommait Wiener, viennois. Son grand-père venait-il de Varsovie, on l'appelait Warschauer. Plus tard aussi, quelques-uns adoptèrent le nom de leur père, et alors commencèrent les Asherzon, fils d'Asher, les Davidzon, les Israelzon. Quant aux pauvres, ils furent gratifiés des noms plus qu'obscurs, tels que Essig, vinaigre, Pfeffer, poivre, Kalkopf, tête chauve. Le premier juif qui fit son apparition dans les bureaux fut le riche négociant Mylek. Il arriva en grande tenue de sabbat, avec son talar de soie garni de zibeline et son bonnet de martre. Il s'inclina, légèrement embarrassé, et sourit. « Que désirez-vous ? » demanda le commissaire. « Ce que je désire, » répéta le négociant. « Mais comment aurais-je l'audace de désirer quelque chose, monsieur le commissaire ? Je suis venu dans l'intention de vous demander un nom, et puisque je dois adopter un nom, je vous prie, messieurs, de m'en accorder un joli. » Le commissaire cligna de l'œil du côté du chancelier et se mit à tailler une plume. « Ah, c'est que ce n'est pas facile, » dit à son tour le chancelier Krumholz. « Nous avons reçu une liste de noms et, voyez-vous, notre devoir est de suivre la liste. » Il prit un cahier, l'ouvrit, y fourra son nez et reprit. « Vous recevrez le nom de Schaps, mouton, monsieur Mylek. »« Schaps ?» gémit le riche marchand. « Quel horrible nom ! Je serai donc réduit à m'appeler Schaps maintenant ? Malheur ! Les gens montreront au doigt le riche Mylek s'il ne peut recevoir un autre nom que celui de Schaps. C'est un nom d'animal, ça, et pas un nom d'homme. » « Il y aurait peut-être quelque chose à faire, » murmura le chancelier. « Mais pour cela, il faudrait manquer la loi, puis on serait forcé de revoir des masses d'écriture. »« Oh, je donnerai ce que vous voudrez pour la peine, » s'écria le riche juif. « C'est bien, » repartit le chancelier. « Mais avant tout, il vous faut payer. Puis après, il faudra vous taire, monsieur Mylek, car cela pourrait me faire destituer, et vous, vous passeriez en police correctionnelle. » « Compris, monsieur Krumholz, compris, » dit Mylek, croisant dévotement ses mains sur un abdomen bien développé. « Mais dites-moi, que dois-je payer pour avoir le droit d'adopter un nom extrêmement beau ?»« Si vous déposez sur le bureau 20 ducats, vous serez autorisé à vous choisir un nom vous-même. » Mylek soupira, tira sa bourse, compta 20 ducats et murmura. « Maintenant, choisissez-moi, je vous prie. » Le plus beau nom que porte votre liste. » Le chancelier se redressa, prit une mine solennelle et commença. « Monsieur Mylek, vous est-il jamais arrivé de contempler la voûte des cieux par une belle nuit ? Y a-t-il quelque chose de plus magnifique que les étoiles ? Allez-vous m'appeler Stern ? Étoile ? Génie Mylek, le nom n'est pas mal, mais ne le trouvez-vous pas un peu court pour 20 ducats ? C'est vrai, repartit Krumholz, mais vous oubliez qu'il y a toute espèce d'étoiles. « Monsieur Mylek, il y en a de grandes et de petites, il y en a qui projettent une vive lueur et d'autres qui ne brillent que faiblement. »« Dans ce cas, donnez-moi le nom d'une étoile considérable et qui projette une vive lueur. »« Savez-vous ? » dit le chancelier après un instant de réflexion. « Prenez le nom Liechtenstern, étoile lumineuse. Ça a du rapport avec Liechtenstein, le prince Liechtenstein. »« Vous êtes un homme divin, monsieur le chancelier. » dit Mylek avec une moue joyeuse. « Vraiment, c'est un nom très beau, je dois l'avouer. Ainsi, c'est convenu. Inscrivez-moi sous le nom de Liechtenstern, monsieur le chancelier. » Et Mylek demeura derrière lui debout, regardant tout tremblant dans le protocole pour s'assurer qu'il y était inscrit sous le nom de Mylek Liechtenstern. Cela fait, il coula une pièce blanche dans la main du chancelier. Il savait fort bien que le pauvre homme ne recevra rien des 20 ducats, et se rendit chez lui avec une hâte presque inconvenante pour un aristocrate juif. Sa femme, ses enfants coururent à sa rencontre. « Eh bien, quel nom as-tu reçu ?» demanda sa femme. « Liechtenstern, » répondit Mylek, qui à cet instant étincelait non seulement comme une étoile, mais bien comme le soleil dans sa gloire. « Avez-vous entendu, enfant ?» s'écria la riche marchande toute fière. « Nous allons nous appeler Liechtenstern. » Mylek soupira. Il pensait à ses 20 ducats, mais il pensa aussi à la police correctionnelle et il se tut. À la même heure, à peu près, un autre juif, le bon, brave et craintif Absalom, était établi avec les siens dans sa petite, toute petite boutique où un homme de taille moyenne ne pouvait se tenir debout et où le soleil ne pénétrait qu'une fois par jour, entrant par une légère fente et tirant sur le carreau un cordon de lumière pas plus large que le doigt, et pas plus long que l'aune avec laquelle Absalom mesurait aux paysannes des étoffes aux couleurs bariolées, et il ne faut pas s'abuser, cette aune était certainement un peu plus courte qu'elle n'aurait dû être. Personne n'eût pu dire qui était en réalité cet Absalom. Il n'y avait rien qu'il n'acheta et ne revendît. Dans son petit magasin était entassé un monde d'objets un peu usés, il est vrai, un peu endommagés et un peu rouillés, mais tous à si bon marché. On y trouvait des bottes raccommodées, puis de vieilles clefs mangées par la rouille. Il y avait aussi des montres d'or qui avaient le défaut de s'arrêter toutes les heures, ou même tous les quarts d'heure. On y trouvait aussi des robes de soie que les souris avaient légèrement endommagées. Au milieu de ces trésors était établi Absalom, avec sa femme Rachel, ses filles Rebecca et Esther, son fils Yossel et trois autres enfants. Tous se creusaient la tête pour inventer un nom qui fit non seulement de l'effet dans la ville, mais encore qui éblouit tout Israël. Ils n'en trouvaient pas qui répondît à leur ambition. Rachel tout à coup proposa timidement le nom de Gottwald, forêt de Dieu. Mais Absalom secoua sévèrement la tête. « On ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain, n'est-ce pas? S'il s'appelait Gottwald, cela ne ferait-il pas tomber son prochain en tentation ?»« Goldman, homme d'or, s'écria Esther, voilà un joli nom, petit père. »« Nous nous appellerions Goldman, objecta la mère Rachel, et nous sommes si pauvres que nous ne mangeons que rarement notre faim. Les gens se moqueront joliment de nous, et avec raison. » Après une longue pause, le visage d'Absalom s'éclaira d'un fin sourire. « Que dirais-tu si nous nous nommions Lilienthal, vallée des lys, ma bonne Rachel ?»« Mais, petit père, » s'écria Yossel, riant aux éclats, « sens donc un peu quelle odeur on respire ici, les gens diront de toi. Que ne se nomme-t-il Zwiebelthal, vallée aux oignons ?» Ils concertèrent jusqu'à l'heure de leur repas, ils concertèrent durant leur pas et après leur pas. Ils ne trouvèrent pas de nom qui leur parut assez beau et assez original. Enfin, Absalom se rendit à ses affaires, très déconcerté. Chemin faisant, tout en marchandant à quelques cuisinières une peau de lapin, ou en ramassant sur la route quelques vieux fers à cheval, il continuait à être tourmenté par son désir de trouver un nom extraordinaire. Il venait de s'arrêter chez un paysan, où il marchandait une demi-douzaine de vessies de porc, lorsque toute sa famille, sa femme et ses enfants arrivèrent en courant. « Père !» s'écria Rebecca du plus loin qu'elle le vit, « Nous avons trouvé un nom. Je te défie d'en découvrir un meilleur. »« Allons, parle, » dit Absalom. « Leuvenmut, courage de lion. Père, appelle-toi Leuvenmut. » Absalom leva les épaules et sourit. « Suis-je courageux? Je tremble dès qu'une mouche me pique. Suis-je un lion ?» Et véritablement, tandis qu'il se tenait là, dans son vieux caftan vert bouteille, avec son affreux petit chapeau à longs poils, ses boucles graisseuses collées sur ses tempes, sa barbe en broussailles, tout petit, tout maigre, avec ses genoux tordus en dedans, il ne ressemblait guère à un lion. « Si je m'appelle Leuvenmut, ajouta-t-il, chacun croira que je suis un Samson, et on me rossera jusqu'à ce qu'on ait découvert que je suis un agneau, et non un lion. » Rachel et les enfants, tout tristes, retournèrent à la maison. Ils réfléchirent toute la soirée et se couchèrent sans avoir trouvé ce qu'ils désiraient. Au milieu de la nuit, soudain, Rachel s'éveilla en sursaut et s'écria « Absalom, sais-tu comment nous allons nous appeler ?»« Atlas. » »« Satin. Mon ami Atlas. Que dis-tu de ce nom-là » »« Atlas, » répéta Absalom en se retournant dans son lit. « Atlas n'est pas mal. Maintenant laissez-moi dormir. » Le lendemain, de grand matin, le brave homme se leva, le visage baigné d'une douce joie. Il rassembla autour de lui sa famille et lui dit d'un ton solennel « Femmes, enfants, venez tous vers moi. Je l'ai maintenant le nom que nous allons porter. L'or et les pierres fines appartiennent aux riches, mais le soleil, que Dieu fait luire pour tout le monde, appartient aussi aux pauvres. Je m'appellerai Sonnenglanz, éclat du soleil. Est-ce trouvé ça, hein ?» Tous s'écrièrent, pas une objection ne s'éleva. Absalom se vêtit précipitamment et se rendit quelques minutes plus tard à la maison de ville, juste 2 heures avant que la porte en fût ouverte. Il se sentait heureux. Il entra, le cœur léger, dans la chancellerie, et lorsqu'enfin il y fut introduit, il se présenta sur la pointe des pieds avec force courbette devant le chancelier Krumholz, qu'il tira doucement par sa manche de coutil vert, criblé d'éclaboussures d'encre. « Que veux-tu ? » lui cria le chancelier. « Qu'ai-je à exiger ? » dit Absalom. « Je ne suis venu que parce que Sa Majesté l'Empereur a ordonné aux misérables juifs de porter de beaux noms comme les chrétiens. »« Ah, c'est juste. Ainsi, comment veux-tu t'appeler ?»« Si vous n'y faites pas d'objection, monsieur le chancelier, j'aimerais m'appeler Sonnenglanz. »« Comment ? Quoi ?» s'écrièrent les fonctionnaires d'une seule voix. « Sonnenglanz, » répéta le chancelier. « Crois-tu qu'on peut s'appeler comme ça, Sonnenglanz, quand on ne possède rien ? Es-tu assez riche pour t'accorder un luxe pareil ? Un tel nom coûte 100 florins. As-tu peut-être sur toi les 100 florins ?» Les employés éclatèrent de rire. Absalom s'enfuit tout honteux et retourna chez lui, profondément affligé. « Eh bien, as-tu reçu le nom de Sonnenglanz ?» demanda Rachel. « Dois-je donner 100 florins ?» pleurnicha Absalom. « Ah, et même si l'envie me prenait de les donner, où les trouverais-je ? Nous ne pouvons pas acheter de noms. Nous devons nous contenter de ce qu'on nous donnera, d'un nom aussi obscur que nous. Et au fait, que signifie un beau nom ? Ce n'est pas le métier qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le métier, dit le Talmud. Il en est de même du nom. « Veux-tu nous couvrir tous de honte ? » s'écria Rachel. « Ainsi, nous nous contenterions d'un nom vulgaire ? Veux-tu économiser ton argent dans une affaire aussi importante ? Si tu ne peux déposer 100 florins, donne du moins un ducat aux deux, et moyennant cette somme, tu recevras un nom convenable. Jamais ! Je ne donnerai certainement pas un liard pour une chose aussi insignifiante qu'un nom. « Tu dis cela maintenant, petit père, » s'écria Esther. « Il y a une heure, tu n'étais pas de cet avis. » « Tous, jusqu'aux oiseaux dans l'air, méprise l'avare, » s'écria Rachel. « Et maintenant, si tu veux donner un ducat, je donnerai le second, un ducat que j'ai caché il y a bien longtemps dans un vieux bas. » À ces mots, la famille entière se mit à gémir, à crier, à gesticuler, et même Rebecca fondit en larmes. Enfin, Absalom s'attendrit et consentit, moyennant les 2 ducats, à s'acheter un nom. « Et sais-tu, ma Rachel, dit-il, puisque le soleil coûte si cher que ça, nous nous contenterons d'une bougie, qui elle aussi éclaire, quoique moins fort et moins brillamment. Oui, pour l'amour de Dieu, oui, je veux bien consentir à m'appeler Kerzenschein, lumière de cierge. » Et pour la seconde fois, Absalom fit son apparition à la chancellerie. Pour la seconde fois, il tira doucement par sa manche le hargneux Krummholz. Seulement, il eut la prudence de déposer préalablement un ducat sur le coin du pupitre avant de demander le nom de Kerzenschein. Cette fois, les fonctionnaires le raillèrent impitoyablement. « Es-tu fou ? » lui dit le chancelier dignement. « Kerzenschein est un nom qui vaut au moins 5 ducats. As-tu peut-être 5 ducats, Absalom ?» Absalom soupira et, après un moment de réflexion, posa sur le pupitre son 2nd ducat. « Je suis prêt à donner tout ce que j'ai. » « Mais n'est-ce pas, monsieur le chancelier, que vous me ferez bien l'honneur de m'accorder le nom de Kerzenschein moyennant ces 2 ducats ?»« Impossible, cher Absalom, absolument impossible. »« Eh bien, dans ce cas, inscrivez-moi sous le nom de Grünblatt, feuille verte. » Les employés se remirent à rire. « Que valent 2 ducats ?» s'écria le chancelier. « Que peut-on obtenir avec 2 ducats ? Une culotte qu'on porte 1 an ou 2, mais pas un nom qui dure toute la vie. » « Pour 2 ducats, mon cher, tu peux t'appeler Zuckerhut, pain de sucre, ou Eisenstein, mine de fer. » Absalom se sentit comme frappé par la foudre. Il lui paraissait impossible, à lui qui était sorti de chez lui glorieux Kerzenschein, d'y rentrer maintenant portant le nom d'un vulgaire pain de sucre. Il rempocha tristement ses 2 ducats et se dirigea vers la porte. Un instant après, cependant, il reparut et posa une dernière fois sa main sur la manche du chancelier. Il paraissait décidé à tout. « Je veux bien, dit-il, ajouter aux 2 ducats 2 pièces de 10 kreutzer, mais je vous en supplie, ne me désespérez pas. Donnez-moi le nom de Grünblatt. Dieu vous bénira, ainsi que vos enfants et vos petits-enfants. » Pour toute réponse, le chancelier secoua la tête. Quant au commissaire du district, il vociféra, tout impatienté. « Crois-tu pouvoir marchander avec nous ? Nous prends-tu pour des juifs ? Dis, misérable ! Si vous refusez de me donner un joli nom, s'écria alors Absalom indigné, mais à part soi, en apparence très tranquille, car il se tenait toujours incliné et parlait à voix basse, comme s'il eût craint de réveiller quelqu'un. Bien sûr, je ne dépenserai pas 2 ducats et 2 pièces de 10 kreutzer pour une bagatelle aussi insignifiante. Il attendit un instant encore, et comme il vit que personne ne prenait garde à lui, il sortit précipitamment en frappant la porte. Cependant, 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que le pauvre Absalom se présentait de nouveau devant le pupitre et disait avec un gros soupir « Puisque je n'ai pas d'argent, je suis prêt à donner 2 poulets et 1 pantalon à monsieur le chancelier, un excellent pantalon que j'ai acheté au comte Kornhorski. Dites, monsieur le chancelier, voulez-vous et consentirez-vous à m'inscrire sous le nom de Sonnenglanz ?» Absalom se sentait soudain courageux comme un lion. Il posa devant le chancelier 1 pièce de 5 kreutzer sur le pupitre et ajouta « Voilà de plus pour votre peine, monsieur de Krummholz. Voyons, soyez aimable, voyons, inscrivez-moi sous le nom de Sonnenglanz. Va te promener, s'écria le commissaire, rouge de colère. Entends-tu te moquer de nous? Nous n'avons pas de temps à perdre avec toi. Si tu ne veux pas t'appeler Zuckerhut, pain de sucre, appelle-toi Knoblauch, Gusdai, et fiche-nous la paix. Au même instant, la porte s'ouvrit et donna passage à Madame Perle, une jeune veuve, riche et belle, qui, en entrant, transforma l'atmosphère fétide et chargée de tabac de la chancellerie en une effluve de bonnes odeurs. Elle disparaissait littéralement sous un monceau de soie, de fourrure et de pierreries. Elle s'approcha du commissaire, qui s'est élevé avec une galante précipitation, élargissait sa bouche d'un aimable sourire et lui présenta sa propre chaise. « Je présume, commença-t-il, que vous venez dans l'intention d'obtenir de nous un bien joli nom. En effet, je vous serai infiniment reconnaissante, balbutia la belle juive, et du reste, je suis prête à donner ce qu'il faudra. Ici, je vous en prie, dit le chancelier. Madame Perle tira sa bourse, que sur un geste du commissaire, Krumbrüll serra dans un tiroir avec force courbette. Les visages des employés s'épanouirent. Ah, mais, commença le commissaire, comment cela nous sera-t-il possible à nous, simples mortels, de trouver un nom aussi gracieux pour une si charmante femme? Quand on aperçoit Madame Perle, on croit voir Vénus, la déesse des ondes, en personne. » Même l'imagination du bossu et borgne Krumholz commença à secouer ses ailes couvertes de la poussière des bouquins et criblées de taches d'encre. « Je me permettrai de faire observer, dit-il, que le mieux serait de chercher pour Madame Perle un nom qui rappelle son origine écumeuse, sa parenté avec la déesse de la beauté et de l'amour. C'est pourquoi il me semble que le nom de Wellenheim, vague écumeuse, qui signifie « Non, non, » objecta le commissaire. « Regardez, je vous en prie, ces joues veloutées, mais vraiment, ne comprenez-vous pas, Krumholz, que Madame Perle ne peut pas se nommer autrement que... Rose, non, cela ne sonne pas bien. Rosengarten, j'ai trouvé. Rosenthal, vallée des roses. » La jolie veuve sourit finement et fut inscrite tout de suite dans le protocole sous le nom de Madame Perle Rosenthal. Lorsqu'elle eut quitté la chancellerie, et que le parfum qu'elle avait porté fut étouffé par la fumée de la pipe de Krumholz, Absalom recommença d'une voix pleurarde. « Je vous en supplie, monsieur le commissaire, ne me réduisez pas au désespoir. Comment ce gueux n'a pas encore passé la porte ?» s'écria le commissaire. « S'il ne veut pas s'appeler Knoblauch, donnez-lui le nom de Hornblazer, Flagorner, afin qu'à l'avenir il ne corne moins les oreilles. Oui, Hornblazer !» La porte s'ouvrit de nouveau, et Aburel, le tailleur, entra. Il s'approcha du commissaire discrètement, bien qu'avec le sentiment de son opulence, et lui demanda à voix basse « Que dois-je vous donner, Excellence? Vous connaissez mes moyens. » Le commissaire chuchota avec le chancelier. On feuilleta longuement le protocole et le tailleur quitta l'étude parfaitement satisfait sous le nom d'Aburel Honig, miel. « Monsieur le commissaire, oh, monsieur le commissaire, mon bon monsieur le commissaire !» soupira Absalom. Et comme on ne l'entendait pas, n'y a-t-il pas de justice sur la terre qu'un honnête homme comme moi reçoive le nom de Hornblazer? Tu le trouves trop mesquin, peut-être, hurla le commissaire. Préfères-tu t'appeler Absalom Gans? Ouah. Je me tuerais, monsieur le commissaire, si vous me donnez un tel sobriquet, supplia Absalom. Suis-je un oiseau? Puis-je voler? Hélas, je ne suis qu'un pauvre et honnête bonhomme de juif. Samuel le cocher se présenta à son tour, un homme qui n'était pas plus riche qu'Absalom. Il accabla le commissaire de compliments et de courbettes et lui dit des choses assez flatteuses pour tourner la tête à la plus jolie jeune fille. Puis il s'approcha humblement du chancelier et recommença ses sourires et ses révérences. Enfin, il posa 3 pièces de 10 kreutzer sur le pupitre. Le commissaire se mit à rire. « Sais-tu quel nom je vais te donner, Samuel ? » dit-il solennellement. « Celui de Schmeichler, flatteur. Ça te va-t-il? Pourquoi pas? Qui est heureux? S'écria alors Absalom, saisi par une résolution subite. Celui qui est satisfait de son sort, dit la Mishnah. Donc, pour l'amour de Dieu, je garderai mon argent et mon nom, et je m'en contenterai. Rendez-moi mes 5 kreutzer, monsieur le commissaire, les 5 kreutzer que j'ai posés sur votre pupitre. Quoi? Le ladre va jusqu'à refuser de payer ces quelques liards? S'écria le commissaire hors de lui. Rendez-lui son argent, Krumholz. Le chancelier tira la monnaie de sa poche et la lança par terre aux pieds du juif, tandis que le commissaire ouvrait le protocole et d'une écriture déliée inscrivait rapidement le nom qu'il destinait à Absalom. Celui-ci, tout tremblant, regarda par-dessus son épaule et poussa un cri désespéré. « Il arrivera un malheur, monsieur le commissaire, » cria-t-il. « Dieu vous punira. Malheureux que je suis, il ne reste qu'à me tuer maintenant. »« Quoi ? » s'écria le chancelier. « Il se permet encore des menaces ?» Le commissaire, lui, saisit Absalom au collet et le mit à la porte. Le malheureux trébucha, descendit l'escalier en deux sauts, traversa la rue tout étourdi et arriva chez lui si anéanti qu'il se laissa aller sur une vieille chaise boiteuse, incapable de prononcer une parole. Tous l'entourèrent, joyeusement curieux. « Allons, comment te nommes-tu ? » demanda sa femme, impatiente. « Pourquoi ne dis-tu rien ? » ?»« Hélas, » répondit Absalom, soumis à son sort, « comment me nommerai-je ? » « Regarde-moi, ma bonne Rachel, et plains-moi, malheur. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Absalom Zaufus. » Pied de porc. C'est ainsi que s'achève Récit galicien, scène du ghetto, par Léopold Zarrmazor.